Mais c'est le son qui fait bouger les darons. Chacun sa MC Aaron. Bouge tes seufs même si t'es pas bonne. Ambiance de ménage, le chef a fait le zabonne. J'ai mis le rock ma à la mode. Bienvenue au Maroc, les a tous mis à la mode. J'ai fait bouger les pleurettes, les françaises et les allemandes. J'ai même fait danser le mini à des meufs en Thaïlande. Maroc récine, l'Algérie au Brésil. C'est clair, net et précis. C'est pour les frères de la Tessie qui squattent et qui restent ici. À la bien 2014, DJ Hamid a fait bouger les gazos. 2014, DJ Hamid a fait bouger les bastos. Double 0212, dis-moi Waslin. Des mecs comme moi, y'en a pas dit.